Travail et jeu, question. Faire un pas de côté et poser la question pourquoi avant de s'agiter au comment du travail. Un tel glissement suffit à nous indiquer le champ du jeu dans le travail. Alors, répéter la question pourquoi peut générer un sentiment de frustration. Celui qui s'accompagne de l'ennui de devoir sans cesse se justifier. Mais se justifier face à qui? Alors, on voit apparaître le seul pourquoi qui tienne sans effort, le pourquoi qui n'en appelle aucun autre, celui qui dit pour qui? Ici, travailler peut s'ouvrir à l'infini, car quiconque va à la rencontre d'un public certain, celui qui reçoit de face le travail produit, celui qui a toujours été là. A-t-on vraiment pris le temps de l'observer, de l'écouter, ce public? Ici s'ouvre le champ du jeu dans le travail, car sans un public certain, reconnu, pas de jeu possible. Autrement dit, retrouver le plaisir de travailler ensemble au service d'eux.